il est évident qu'on ne pouvait relever le Macquarie et que le seul parti à prendre, c'était d'abandonner le bâtiment. John proposa donc de construire un radeau ou, en langue maritime, un ras assez solide pour porter les passagers et une quantité suffisante de vivres à la côte zélandaise. Les travaux étaient fort avancés quand la nuit vint les interrompre. « Mes amis, dit Paganel, je ne mets en doute ni votre courage, ni la vaillance de nos compagnes. 20 000, ce n'est rien, en tout autre pays que la Nouvelle-Zélande. Vous ne me soupçonnerez pas de pusillanimité. Le premier, je vous ai entraîné à travers l'Amérique, à travers l'Australie. Mais ici, je le répète, tout vaut mieux que de s'aventurer dans ce pays perfide. Qu'avons-nous tant à redouter de la Nouvelle-Zélande, madame Glenarvan ? Les sauvages, répondit Paganel, les Néo-Zélandais forment des tribus terribles qui luttent contre la domination anglaise, contre les envahisseurs, qui les vainquent souvent, qui les mangent toujours. Des cannibales ? S'écria Robert, des cannibales ! Je n'exagère rien, reprit Paganel. De tout cela, dit John Mangles, il résulte qu'il ne faut pas tomber entre leurs mains.